À l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la Corée, un rendez-vous des matelots du bateau battant pavillon togolais Viven a eu lieu le 13 août au port de Chongjin. Les orateurs ont souligné « Le président Kim Il-sung a connu toutes les difficultés pendant 20 ans en Mombektu pour la grande victoire de la libération de la patrie et de la nation contre le Japon. Ces 13 pas ont marqué les chaînes du Mombektu et les méandres du fleuve Amnok. Les participants ont adopté une lettre à l'adresse du respecté camarade Kim Jong-un. »